Bonjour. Bonjour. Je suis Kiyu. Que pouvez-vous me dire à propos de la sexualité? De la sexualité? Qu'est-ce que c'est que la sexualité? Qu'est-ce que sont les sexualités en fait? Il y a plusieurs sexualités. Oui. Enfin, c'est plusieurs catégories de sexualité. Ce sont les types d'attirance sexuelle qu'a une personne pour une autre. Enfin, le type de personne. Prenons, donc une personne peut être attirée par des genres différents, soit par les hommes, soit par les femmes, en gros. Et ça définit sa sexualité. Si elle est attirée par le même genre qu'elle, c'est une personne homosexuelle. Et une personne attirée par un autre genre qu'elle, c'est une personne hétérosexuelle. Qu'est-ce qui constitue l'attirance? L'attirance sexuelle, c'est le... Alors, si on parle strictement de sexe, c'est les personnes avec lesquelles on a envie de faire l'amour, en fait. Qu'est-ce que faire l'amour? C'est avoir un... C'est se trouver généralement juste à deux personnes et partager beaucoup d'intimité avec une personne spécialement, et notamment de l'intimité sexuelle, c'est-à-dire... qui implique des contacts physiques qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours, notamment au niveau des parties génitales. L'intimité, c'est donc le contact des parties génitales. Non. Non. Non. Alors, l'intimité, stricto sensu, c'est juste se retrouver avec une autre personne à l'abri pour partager des choses qu'on ne partagerait pas en public, notamment du sexe. Quand on fait l'amour, quand on a un rapport sexuel, ce qui est à peu près synonyme, il y a encore plein d'autres mots, on est en général dans cette situation d'intimité, et dans cette situation d'intimité, donc dans l'intimité, on peut faire beaucoup de choses, mais quand on fait l'amour, en l'occurrence, on a des contacts physiques avec l'autre personne, ça je dirais tout le temps. Et ces contacts physiques urogènes qui stimulent certaines zones, qui provoquent du plaisir, en théorie chez les deux personnes. Pouvez-vous définir le plaisir? Scientifiquement, c'est l'activation d'un circuit dans le cerveau, qui est le circuit de la récompense, le circuit du plaisir de la récompense. Et donc, c'est quelque chose que les gens vont essayer d'avoir. Et en l'occurrence, le plaisir érotique, plaisir charnel, il y a deux types de plaisir. Il y a le plaisir physique strictement, par exemple l'orgasme, c'est un plaisir très très physique. Ce sont des signaux qui passent à travers des hormones, notamment des endorphines, qui provoquent plaisir, ton corps. Je définis plaisir par plaisir, ça pas du tout. Disons l'activation d'un circuit recherché par les animaux de manière générale, un circuit neuronal, et qui guide leur comportement. Donc il y a du plaisir physique et du plaisir un peu plus psychologique que ce savoir proche de l'autre, partager un moment avec l'autre, avoir une connexion avec une autre personne, et faire tomber, en fait, la carapace qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc, le plaisir psychologique vient de l'intimité. L'intimité et les rapports sexuels peuvent provoquer du plaisir psychologique, en plus du plaisir physique. J'ai cru comprendre que les humains avaient du contact physique de manière générale dans la vie quotidienne. Ouais, ouais. En quoi le contact physique sexuel est-il différent? Ouais. C'est assez différent parce que c'est déjà pas les mêmes parties du corps qui sont touchées. Par exemple, les contacts physiques de la vie de tous les jours avec des personnes avec lesquelles on ne partage pas d'intimité, on ne touche pas au sein des femmes, on ne touche pas aux parties génitales, on ne touche pas aux fesses. ce qu'on fait dans des relations sexuelles, dans l'intimité. Il s'agit de simples touchés. Alors, c'est le... Oui, c'est des simples contacts de corps à corps, en fait. Mais donc, il y a plein de pratiques différentes. Il y a le fait d'embrasser le corps de l'autre, de lécher le corps de l'autre aussi. Il y a à peu près toutes les parties du corps, en fait. Et puis, il y a la pénétration également. Ça, dans le cas le plus général, la pénétration du vagin de la femme par le pénis de l'homme, c'est un contact, qui est un contact sexuel, c'est parce que là, l'essence primale du contact sexuel, dans le sens, c'est ce que font les animaux pour se reproduire. Ça vient tout bien de la reproduction à la base. Qu'est-ce que ça dit? Les animaux, pour se reproduire, ont besoin d'échanger des gamètes. Notamment, le mâle a besoin de donner un gamète à la femelle. Les deux gamètes fusionnent, et ça, une cellule qui se développe et qui crée un bébé, un embryon, et puis un futur animal. Et c'est comme ça que les espèces perdurent. Et ça se fait à travers un rapport sexuel entre les deux animaux. Un rapport, chez les mammifères, de pénétration de la femelle par le mâle. Au cours de l'intention sexuelle, éjecte ce gamète. Et ça active le circuit de la récompense, au moins du mâle. Et parfois de la femelle. Et c'est ce circuit de la récompense, ce circuit du plaisir, qui fait que l'espèce se reproduit, et donc qu'elle perdure et qu'on existe aujourd'hui. Enfin, que j'existe aujourd'hui. On m'a rapporté qu'aujourd'hui, les humains n'avaient pas forcément besoin de recourir à ce système de reproduction. Alors, c'est vrai. Et puis, maintenant, le rapport sexuel, en fait, a perdu sa vocation initiale chez les... Enfin, il a plusieurs vocations, le rapport sexuel chez les humains. Et la vocation principale n'est plus forcément de faire des enfants, mais de trouver du plaisir, justement. On bypass le système, en s'empêchant même, par différents moyens, d'avoir ce contact entre les gamètes, et en recherchant juste l'activation du circuit de la récompense pendant le rapport sexuel. Vous avez dit tout à l'heure que normalement les circuits des personnes impliquées de récompense étaient tous activés. Ouais. Ce n'est pas toujours le cas. Idéalement, c'est le cas. Je dirais que la plupart des personnes recherchent leur propre activation de circuit du plaisir, de place pour qu'il soit même du plaisir, approcher du plaisir à l'autre. Après, on peut avoir des rapports sexuels. Soit qu'il ne soit pas bien pour une personne. Qu'est-ce qui fait qu'un rapport sexuel n'est pas bien? Alors déjà, il y a le fait que le rapport sexuel soit consenti. S'il y a une personne qui ne veut pas avoir un rapport sexuel, soit pas à ce moment-là, soit pas avec une autre personne et qu'elle est forcée à faire ça, mais ça va plutôt plus être une douleur, une souffrance pour cette personne qu'un plaisir. Chacun a ses propres goûts en fonction de sa psychologie, des personnes par lesquelles elle est attirée, et puis à quel moment. Ensuite, dans un rapport entre deux personnes qui s'apprécient, il peut y avoir des moments où un rapport sexuel, il y a des pratiques sexuelles que chacun apprécie ou pas, c'est ce que je racontais tout à l'heure, sur le fait de toucher, de pénétrer, etc. Chacun a ses propres goûts sur ce qu'on lui fait et comment il apprécie ça. Ce qui peut provoquer du plaisir chez une personne peut être déplaisant chez une autre. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est une question d'humeur du moment, également, de connexion avec l'autre. On peut avoir quelque chose dans la tête, penser à autre chose ou ne pas être dans le moment présent. Partager avec la personne qui est en face. Peut-être qu'on a des questionnements qui concernent des... Oui, peut-être qu'il y a d'autres choses dans la tête de la personne qui font qu'à ce moment-là, elle sent que c'est pas la bonne chose à faire, d'avoir un rapport sexuel, que ça ne lui apporte pas de plaisir. C'est un peu fou. Votre système semble très complexe. Oui, c'est la psychologie humaine. C'est, oui, c'est assez complexe, effectivement. Comment un humain sait ce qui lui procure ou non du plaisir? Alors, on communique les uns avec les autres. En général, dans un rapport sexuel, on établit une communication qui est verbale et non verbale. C'est-à-dire qu'on écoute le corps de l'autre, comment est-ce que l'autre va plutôt vers nous, est-ce qu'il sortir, par exemple, ça peut dire si l'autre a plaisir ou au contraire, qu'il n'aime pas cette pratique-là, qu'il veut arrêter. Il y a des bruits aussi, avec la bouche pendant le rapport sexuel, des gémissements. Ce sont généralement des gémissements de plaisir, des points de pièces en partenaire, on a du plaisir. Mais il est aussi possible de faire semblant d'avoir du plaisir. Parce que si on peut mentir, ça arrive. Pourquoi faire semblant? Pour faire plaisir à l'autre. Lui faire croire que ce qui est fait provoque du plaisir. Éventuellement pour rassurer l'autre, bien parce que pour certaines personnes, c'est leur. Leur métier que d'avoir des rapports sexuels avec d'autres. Et ça provoque plus de plaisir à l'autre que de savoir que les autres sachent qu'on nous provoque du plaisir. J'explique. On est plus satisfait, il y a une sorte d'orgueil aussi dans le fait de provoquer du plaisir à l'autre. Une sorte de fierté de dire je fais bien, c'est une chose dont on peut se vanter. Et donc ça va rassurer la personne, ça va la flatter dans son orgueil que de faire semblant d'avoir du plaisir pendant un rapport sexuel. Mais ma question initiale portait sur comment un être humain sait ce qui lui procure du plaisir pour le communiquer. Vous m'avez répondu par rapport au fait de ressentir du plaisir pendant un acte sexuel. Mais comment communiquer à son partenaire ce qui fait plaisir? Comment découvrir ce qui fait plaisir? Je n'ai pas répondu à cette question. Vous m'avez parlé de la communication entre humains pendant le rapport sexuel. Ouais. Mais comment obtenez-vous les données si vous êtes tous différents? C'est des expériences empiriques. La première fois qu'on fait l'amour avec quelqu'un, on peut découvrir des zones de son corps ou des pratiques qui soient plaisantes, d'autres qui soient déplaisantes. Ensuite, on connaît, on sait soi-même ce qui lui fait plaisir ou pas plaisir. Et on sait pour ce partenaire-là ce qui lui fait plaisir ou pas plaisir. Puis on peut, quand on change de partenaire, on peut dire aux autres ce qui lui fait plaisir, par exemple. Ça signifie que vous essayez des choses qui vous causent du déplaisir. Avant de savoir qu'elles causent du déplaisir, oui. Parce qu'il faut essayer pour savoir que ça nous cause du déplaisir. Combien y a-t-il de pratiques sexuelles? Sexuel, c'est un nuage, c'est plein de choses, je suis pas sûr qu'on puisse les quantifier. Un nuage. Oui, je veux dire, c'est un ensemble sans délimitation claire. Mais il y a beaucoup de pratiques sexuelles différentes, je peux te citer les plus communes. Donc la pénétration, c'est une pratique sexuelle, ça peut être une pénétration vaginale ou une pénétration anale. Le clinilingus. C'est lécher le clitoris d'une femme. La nuit. Cunnilingus, c'est l'Echelanus, une personne, avec la langue donc. La fellation, c'est lécher, sucer le sexe d'un homme. Et donc ça, ce sont des pratiques sexuelles. Après, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'autres pratiques. Des mises en scène. Des mises en scène. Des jeux. D'utilisation d'outils, d'accessoires. Comment savez-vous quelle pratique choisir? On essaye, depuis on voit si ça ne plaît pas. Et puis il y a aussi des règles dans la société, notamment des règles religieuses qui te disent si des pratiques sont bien ou pas. Par exemple, la pénétration anale, ça s'appelle la sodomie, c'est condamné. Et est-ce que les humains suivent tous cette condamnation? Non, parce qu'il y a beaucoup de non-croyants. Et donc si on est croyant, on va avoir tendance à ne pas faire de sodomie. Donc là, en mettant de ce côté cette partie de sa croyance. Donc, il y a des sous-groupes d'humains avec des ensembles de règles concernant la sexualité. Oui. Et dans un de ces sous-groupes, les humains respectent ces règles. Oui. D'accord. Pouvez-vous me donner des exemples de règles? Donc ça, le péché de sodomie, le péché de faire l'amour avant le mariage. Qu'est-ce que le mariage? C'est une bonne question. Tout ça vient le mariage. Il y a deux types de mariage. Il y a le mariage religieux, le mariage civil. Le mariage religieux, c'est de dire que deux personnes sont unies par Dieu, et qu'elles se doivent fidélité, assistance l'une à l'autre jusqu'à la mort. Unies par Dieu? Oui. C'est donc, il y a des gens qui sont... Tu sais ce que c'est Dieu ou pas? J'ai quelques références. Ok. Donc il y a des gens qui croient en Dieu et qui considèrent que, d'une manière ou d'une autre, leurs vies peuvent être liées l'une à l'autre par Dieu, par cet engagement qu'on appelle le mariage. Je ne suis pas un expert en la question. C'est un engagement qui dure la durée de vie des humains. Oui. Cet engagement-là, oui. La durée de vie la plus courte des deux, en fait. Une fois que le premier meurt, l'autre est délivré de cet engagement. Et donc, il y a aussi le mariage civil, qui a plutôt pour vocation de fonder des foyers familiaux, qui consistent à signer un contrat entre deux personnes, qui donne des droits d'une personne sur l'autre, notamment des droits de succession, de dire ce qui appartient à l'une va appartenir également à l'autre. Ce qui appartient à l'une appartiendra exclusivement à l'autre une fois que l'une mourra. Et puis ça donne des avantages économiques. Ça coûte moins cher de vivre ensemble si on est marié que de vivre ensemble si on n'est pas marié. Il s'agit de règles qui sont en partie détachée de la sexualité. Oui. Alors, donc il y a un entremêlement entre les deux. Tu as saisi ça. L'entremêlement, donc c'est assez clair pour ce qui est du mariage religieux, c'est que on est censé faire l'amour que après s'être uni avec la personne et ne faire l'amour qu'à elle. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. C'est des religieuses. Ça date. Je ne sais même pas de quand ça date, parce que toutes les religions n'ont pas ça. pour ce qui est du mariage civil, bah, en fait, le mariage civil vient du mariage religieux. Ça a été inspiré du mariage religieux. Donc, je pense que la plupart des gens qui se marient civilement ont des rapports sexuels avec, avec leur partenaire, avec qui ils s'unissent. Pas forcément après, souvent on a besoin d'un rapport sexuel. Et pas tous. Alors là, je pense que la très très grande majorité. Il y a des personnes qui se marient. En fait, se marier, ça a plutôt trait à l'amour qu'au rapport sexuel. C'est de dire, je veux vivre avec cette personne pendant longtemps. Et pourtant, vous avez parlé de règles économiques. Oui, parce que quand on aime une personne, que deux personnes s'aiment, elles ont envie de vivre ensemble pendant longtemps et éventuellement de fonder une famille. Est-ce que des personnes qui s'aiment vont automatiquement vivre ensemble ? Non. Donc deux personnes qui s'aiment, je prends un schéma très standard pour t'expliquer. Il y a deux personnes qui s'aiment, elles s'aiment, elles s'apprécient psychologiquement et physiquement. C'est-à-dire qu'elles sont attachées l'une à l'autre. Elles ont envie d'être avec l'autre, en fait, c'est ça. Et puis, elles partagent des rapports sexuels. Elles ont des rapports sexuels ensemble, en général. Elles peuvent se marier, notamment si c'est un homme ou une femme. Maintenant, on peut faire aussi se marier entre deux hommes, se marier entre deux femmes en France. Civilement. En général, elles emménagent ensemble, dans un même appartement, un même foyer, et finissent par avoir des enfants, un ou des enfants, et former une famille. Une petite famille. Ça, c'est le schéma standard. Après, deux personnes qui s'apprécient, mettons deux personnes qui s'apprécient physiquement, elles peuvent avoir juste des rapports sexuels ensemble, et trouver du plaisir charnel ensemble, et puis se voir occasionnellement. Sans mariage. Sans mariage. Elles peuvent aussi avoir juste de la complicité psychologique et pas de rapport sexuel. Quelqu'un, c'est plutôt des amis, en général. Et elles peuvent avoir des rapports sexuels, de la complicité psychologique, sans pour autant se marier. Et vivre ensemble ou ne pas vivre ensemble. Et avoir des enfants ou ne pas avoir des enfants. Beaucoup de cas de figure. Tout existe en fait. Est-ce que c'est clair ? Je crois. Je voudrais revenir sur plusieurs concepts que vous avez évoqués. Vous aviez parlé du lien avec la reproduction, mâle-femelle. Et vous avez parlé des hommes qui aiment les hommes, des femmes qui aiment les femmes, et à quel moment cela est apparu dans la société des humains, si la sexualité vient de la reproduction. Ouais, alors ça c'est une très bonne question. C'est assez intéressant. D'un point de vue de l'évolution, effectivement, ça ne fait pas vraiment sens que des hommes aiment des hommes et que des femmes aiment des femmes. Parce que ça ne donne pas d'enfant. Je sais que depuis l'Antiquité, au moins, ça existe d'avoir des rapports charnels entre hommes ou des rapports charnels entre femmes. Ensuite, ça a un peu disparu parce que c'était interdit. Maintenant, ça revient plus. Donc ta question, c'est à quel moment ça parle ? Quel moment ça a paru, je ne saurais pas dire. En fait, il y a même des animaux qui ont des rapports sexuels entre mâles ou entre femelles. Donc, la sexualité n'est pas toujours liée à la reproduction, y compris chez les non-humains. Non, non, parce que via ce circuit cérébral, qui est le circuit de la récompense, qui est activé pendant l'acte sexuel, et il est aussi activé pendant les actes sexuels homosexuels. Donc les animaux et les humains peuvent utiliser ces actes sexuels et homosexuels pour avoir du plaisir. Mais je pense que ces animaux qui ont des... Enfin, après, il y a des animaux et des humains qui ont des actes sexuels homosexuels et hétérosexuels. Les actes sexuels homosexuels, c'est purement plaisir, toujours. Les actes sexuels hétérosexuels peuvent aussi permettre de procréer. Donc, les actes homosexuels et les personnes qui font ces actes recherchent plus le plaisir que les personnes qui sont dans des rapports hétérosexuels. Alors, disons oui, mais en fait, la plupart des gens qui ont des... Enfin, il y a très peu en proportion de rapports sexuels, il y a peut-être, je ne sais pas, 1% de rapports sexuels qui ont pour vocation de procréer, même chez les hétérosexuels. Et on se met même à maîtriser la procréation par l'utilisation de moyens de contraception. C'est donc par exemple l'utilisation de préservatifs qui empêche le sperme de passer, l'utilisation de la pilule qui empêche la femme d'avoir des gamètes qui puissent être fécondés, permettent d'avoir des rapports sexuels en étant quasiment sûr de ne pas avoir d'enfants. Et si le couple hétérosexuel veut avoir un enfant, alors il arrête ses moyens de contraception. D'accord. Et la sexualité se passe à deux, toujours. Alors, c'est le format standard. On peut avoir de la sexualité à 1 ou de la sexualité à 3 ou plus. La sexualité à 1, c'est la stimulation érotique par soi-même. Par exemple, la masturbation. Donc, ça peut être... soit le fait de d'avoir du contact, enfin d'activer les récepteurs sensoriels de manière frénétique sur le pénis de l'homme. Donc l'homme lui-même stimule son pénis, ou la femme stimule son clitoris, ou bien il stimule ils peuvent se stimuler analement aussi. Donc ça, c'est on peut trouver du plaisir soi-même. On peut aussi trouver du plaisir à trois ou plus. Parce qu'à partir du moment où deux personnes peuvent se provoquer du plaisir l'une à l'autre en se touchant, on peut imaginer que trois personnes peuvent faire la même chose et plus de personnes aussi. Et ça se fait beaucoup moins. Parce qu'il faut trouver déjà trois personnes qui s'apprécient physiquement les unes avec les autres. Puis c'est moins bien accepté aussi. Parce que ça ne rentre pas dans le schéma de la famille dont on a parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement par moins bien accepté ? Quels sont les conséquences concrètes ? En fait, il y a un tabou. Voilà, le truc, c'est qu'il y a un tabou autour du sexe depuis. Ça va faire peut-être un peu plus de 2000 ans. Donc, des gens en parlent peu. Et puis. C'est assez bizarre parce que on n'est pas censé en parler. De manière générale, il n'y a pas de règles qui disent dans les lois on n'a pas le droit de parler de sexe. Mais c'est quelque chose. C'est une sorte de secret que tout le monde sait, un secret de polichinelle. Et. Mais c'est rarement représenté. Le sexe, et on dit que c'est totalement, c'est pas bon pour les enfants. C'est pas bon pour les enfants. Il y a de voir des images sexuelles. Il y a une idée que le sexe ben, est associé, c'est une perversion, quelque part. Je pense que c'est, ça vient de la religion, qui associe, parce que le sexe est la recherche du plaisir, beaucoup maintenant, en plus de la procréation. La religion aime bien côté faire du sexe pour procréer, mais faire du sexe pour trouver du plaisir, ça lui plaît beaucoup moins. Parce que plaisir, c'est pas ce qui est recherché par la religion. C'est ce que la religion pointe du doigt, plutôt, comme un péché. Je sais plus où j'en étais. Quelle était ta question ? Nous parlerons de ce qui n'était pas bon pour les enfants. Ah oui, oui. En matière d'exposition, oui, à la sexualité. Voilà. Bah, les enfants n'ont pas d'organes génitaux encore développés qui peuvent leur provoquer du plaisir. Voilà. Donc, le pénis n'est pas développé suffisamment pour avoir des rapports sexuels et le vagin, l'utérus, le clitoris des femelles n'est pas encore assez développé pour avoir du plaisir sexuel chez les enfants. Donc, a priori, ils n'ont pas besoin, enfin, ils n'ont pas d'envie de faire de sexe spontanément. À partir de quel âge un être humain peut-il obtenir du plaisir sexuel ? À partir chez les filles, je dirais à partir de 12 ans, ou chez les filles, à partir de 14 ans chez les garçons. Et cela concerne le plaisir physique. Ouais. Qu'en est-il du plaisir psychologique ? Alors, avant... Un rapport sexuel, il y a toujours le plaisir physique. Il y a toujours un contact physique dans un rapport sexuel. Donc si on parle de la différenciation que je fais tout à l'heure, la distinction entre plaisir physique et plaisir psychologique dans le cadre d'un rapport sexuel, les enfants, étant donné qu'ils ne vont pas avoir de plaisir physique, ils ne vont pas avoir de rapport sexuel. Ils ne vont pas non plus, du coup, avoir dans ce cas de plaisir psychologique. Donc, les humains n'ont pas de rapport sexuel uniquement avec du plaisir psychologique, si ils n'ont pas de plaisir physique. Ah, alors, oui, si, en fait. Donc je t'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir un rapport sexuel avec une personne qui éprouve du plaisir physique et l'autre personne qui n'éprouve pas de plaisir physique, et pourtant elle le fait quand même. Parce que peut-être juste elle aime bien être avec l'autre personne. Elle n'a pas de stimulation de ses nerfs sensoriels de manière adaptée pour lui provoquer du plaisir physique. Mais pourtant, elle aime être en connexion avec l'autre personne et partager ce moment d'intimité. C'est du plaisir psychologique. Mais deux enfants qui n'ont pas atteint ce qu'on appelle la puberté, donc c'est cet âge un peu limite où le corps se développe, de 12 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons, en gros, ne vont pas avoir du tout de rapport sexuel parce qu'ils n'ont pas l'envie d'avoir du plaisir physique. Et le plaisir psychologique vient avec physique au moins d'un des deux partenaires. Sinon, on peut avoir deux personnes qui cherchent juste le plaisir psychologique. Donc, quelqu'un n'est pas nécessaire d'avoir un rapport sexuel. Si elles n'ont aucun plaisir physique à avoir un rapport sexuel ensemble, c'est même absurde qu'elles en aient un. Je ne comprends pas. Si le plaisir psychologique peut être vécu pendant un rapport sexuel, ouais, pourquoi les humains ne pourraient-ils pas le rechercher indépendamment ? Vous m'avez donné un exemple de situations où c'est le cas. Et j'ai l'impression que vous venez de me dire ensuite que ce n'était pas pertinent d'avoir de la recherche, le plaisir psychologique dans un rapport sexuel, sans plaisir physique. Peut-être des gens qui n'ont aucun plaisir physique, mettons des gens qui se connaissent bien, qui ont du plaisir à être en contact corporel, à savoir en fait communiquer avec l'autre par le corps. C'est un peu ça finalement. Mais sinon, vraiment aucun plaisir physique, l'un pour l'autre. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à, par exemple, à la pénétration, si ça fait plaisir ni à l'un ni à l'autre, ni d'autres pratiques sexuelles, si ça n'apporte du plaisir à aucun des deux. Après, moi, je trouve du plaisir sexuel, donc c'est un peu difficile, du plaisir physique dans le rapport sexuel, donc c'est un peu difficile de te répondre, parce que c'est pas mon cas de figure. Mais, oui, peut-être que les gens qui ont d'attirance physique pour d'autres personnes, juste se faire des câlins, ou s'écouter, parler, être ensemble, avoir du plaisir psychologique à savoir que l'autre est avec nous, prend soin de nous. Mais c'est pas un rapport sexuel. Vous avez parlé d'aller jusqu'à la pénétration, oui, et de câlins qui ne sont pas des rapports sexuels. À partir de quel moment peut-on définir que nous entrons dans un rapport sexuel? Alors, si tu veux, on fixe une limite. Alors, je peux te dire, déjà, après, quand les organes génitaux sont impliqués, c'est un rapport sexuel. Les sexes sont impliqués, donc stricto sensu, c'est un rapport sexuel. Où est-ce que ça commence avant? A priori, ça pourra peut-être changer, mais aujourd'hui, dans la société, il y a des choses qui sont considérées comme acceptables de faire en public. Ouais, c'est à partir du moment où on commence l'intimité. Des choses qui sont acceptables de faire au public, par exemple se faire un câlin habillé, s'embrasser, se faire un câlin déshabillé ou en sous-vêtements, c'est quelque chose a priori qu'on ne ferait pas en public, qui a besoin d'intimité, parce que c'est considéré comme choquant, parce que c'est un peu interdit le sexe pour le plaisir, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, ce serait donc mal vu en public, ça nécessiterait de l'intimité. Quand ça nécessite de l'intimité, ce serait une sorte de début de rapport sexuel. Oui. Si c'est fait dans. Si ça a besoin d'intimité, oui, je dirais que c'est peut-être une bonne définition. Je voudrais revenir sur la pratique d'embrasser. Oui. Vous l'avez mentionné au début de l'entretien, oui, comme étant une pratique sexuelle. Non, je ne crois pas. Comme étant un exemple, non, dans la description. Alors, en pratique sexuelle, je l'ai mentionné... D'embrasser le corps. Ah oui. Vous aviez... J'ai enregistré, voilà, ceci. Embrasser le corps, j'ai dit. Ouais. Embrasser... Je dirais que embrasser la bouche... Oui, quelle est ta question déjà? Vous venez de parler de pratiques acceptables en public, ouais, qui ne sont donc pas des pratiques sexuelles. Ouais. Or, vous avez mentionné embrasser... Oui. Ce que vous aviez mentionné au début de notre entretien, oui. Oui. Dans le cadre d'une description, oui, d'un rapport sexuel. Oui. Donc ça dépend quelle partie du corps on embrasse. En fait. Si tu embrasses la bouche, c'est acceptable en public. Pour embrasser le sein d'une personne en face, tu ne peux pas le faire en public. Qu'est-ce que tu peux embrasser en public? Tu peux embrasser la joue, le front, la bouche, le cou, ses limites. Tu t'embrasser les mains. Mais c'est tout. Voilà. Au-delà de ça, tu as besoin d'intimité. Mais vous m'avez dit que c'était en fonction de ce qui était interdit ou autorisé par la société aujourd'hui. Ouais. On m'a rapporté que ces règles sociales changent au cours du temps. Donc, si dans le futur, certaines pratiques peuvent être faites en public, ouais, elles ne seront donc plus sexuelles. Les définitions vont changer. Je pense que peut-être un jour, on pourra embrasser les seins des personnes en public sans que ça ne choque qui que ce soit. Peut-être qu'on pourra avoir une pénétration en public, ça se demandait tout le temps, sans que ça ne choque personne. Mais auquel cas, je pense que ça resterait défini comme étant une pratique sexuelle parce que ça implique les organes génitaux. Ouais. Donc, il y a ce curseur fou de définition dans ce que c'est qu'un rapport sexuel qui commence à la limite de l'intimité et qui s'arrête au début des parties génitales. Donc je pense que dans cette barre-là, on pourrait effectivement faire progresser, parce que l'intimité est définie par la société, en fait. Hein. Tu comprends? J'ai besoin d'intégrer ces données. Okay. Je propose d'arrêter là l'entretien d'aujourd'hui. Okay. Merci pour ce dialogue. Merci.